Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Terra Incognita, votre émission de rock progressif préférée chaque samedi soir depuis plusieurs années. On ne les compte plus, mais c'est au moins 8 ans de bon prog. Donc, et ce soir, ça ne fera pas exception. On commence avec Iz. Je pense que vous commencez à le savoir qu'on va les avoir le 19 mai ici à Québec, au Centre d'art de la Chapelle. C'est dans le cadre, évidemment, de la convention Terra Incognita, organisée par votre émission. On va avoir de belles visites cette année. On va avoir Arabian Aspic, Iz, The Tangent, Marcelo, Alex Carpani et Birdfish qui touchons du bois. Bon, ça, c'est tout en bois. Ça ressemble à du bois. Qui est supposé venir après 2 tentatives et la 3e sera la bonne? On l'espère. Donc, on commence ce soir avec Iz. Ben, on va avoir quelques nouveautés aussi, évidemment. Le nouveau Galahad, Battle Scars. On va avoir Sebastian Hardy. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Formation australienne des années 70. Et bien d'autres choses. Mais on commence avec Iz. 2 extraits de l'album I Move. Et tout ça, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Oh, by a weak little lad with a mind of his own, proudly content in his oddness. Hurry up, boys, you know what we're called on to do. Don't dare leave him unpunished, don't let him get through. Light.

C'est la balade de Dalton. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près. C'est la balade de Dalton. CKRL. Québec. De retour. Vous entendez mon papier de... Non, je connais pas tout par cœur, parce que là, je veux être certain de ne pas faire d'erreur. Donc, on vient d'écouter, tout juste avant les publicités, c'était Birdfish, formation suédoise, qu'on va avoir le bonheur de voir le 20 mai au Centre d'art de la Chapelle, dans le cadre de la Convention Terra Incognita. Et quand je dis on va le voir, c'est sûr on va le voir, ce groupe-là, après deux essais et une troisième tentative, ça va être la bonne. Et puis, je pense qu'ils vont nous présenter des extraits d'un nouveau disque. Ils sont en train de travailler en studio présentement. Tout juste avant, il y avait I.O. Earth, formation britannique, deuxième disque, Moment, un peu plus concis et... ouais, pas pour dire meilleur, mais je le préfère au premier, quelque part, il est plus concis. Et puis, on avait aussi Is, un extrait de leur nouveau disque, Crush of Night. Ouais, c'est une exclusivité. Là. Monsieur John Calgano m'a envoyé ça là, par courriel cette semaine, la pièce Solid Ground. Et Is sera le samedi, le 19, évidemment, à la convention. Et le groupe va lancer son nouveau disque cette journée-là, le 19 mai, donc Crush of Night. Et selon John Calgano, ils vont nous présenter une épique, c'est-à-dire une pièce de 26 minutes de ce nouveau disque. Ça va être, ils vont l'étraîner à la convention, donc je pense qu'on va avoir bien du plaisir et pas mal de découvertes à faire cette journée-là. Et puis, avant, on écoutait aussi Is, mais deux extraits du disque I Move. C'était donc... on est déjà rendu au début. On a bouclé la boucle. Donc, on continue en musique. Mon Dieu, écoutez, une petite nouveauté. Ça nous arrive d'Angleterre. Galahad. Leur nouveau disque Battle Scars, le groupe devrait en présenter un autre en septembre. Il est déjà enregistré, mais pas mixé. Je pense qu'ils ont eu comme une espèce de poussée d'énergie. Donc, les deux disques sont en boîte. On a donc un premier extrait de ce disque, Battle Scars, la pièce Singularity. Évidemment, vous écoutez ça, Terra Incognita, avec Michel et Bruno. On est avec vous jusqu'à minuit, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. We'll be right back. Time. favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton... Oh, daylight behind. Deeper and deeper I'm searching, afraid of the one I could I'm descending.

On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait, en tout dernier lieu, c'était Ornée. Formation scandinave, moi je dois dire que ça a été une très belle surprise. Tree of Life, des petits accents un peu à la Doors par bout. Là. J'adore, franchement, belle surprise. Ils ont un premier disque, mais on m'a dit qu'il n'était pas tout à fait dans le même mood. Mais celui-là, chapeau. Donc, Ornée, Tree of Life. On avait avant aussi Sebastian Hardy, une vieille formation australienne. Je pense que ça faisait comme 30 quelques années qu'il n'avait pas fait de disque. Et oui. Et le disque en question, c'est Blueprint. Donc, un retour pour Sebastian Hardy après 3 décennies. Ben, pas, je te dirais pas d'inactivité parce que quand même, Mario Milo, a créé un autre groupe qui avait pour nom Windchase et a aussi créé beaucoup de musique pour les trames sonores de films australiens. Donc, il est pas resté inactif, le monsieur. Mais c'est un beau retour pour Sebastian Hardy. Et on avait débuté avec Galahad, The Battle Scars, leur nouveauté. Et on attend un nouveau disque pour septembre aussi, donc les gars ont été comme très prolifiques. Et au lieu de sortir un double album, ils ont préféré séparer, mais je pense que c'est une bonne décision. Ça fait peut-être un peu moins de matériel à digérer en même temps. Donc Galahad, Battle Scars. Et c'est déjà notre dernière heure. Ça parle le temps. Ça va vite. Donc, je pense qu'on va aller faire un petit tour en musique, cette fois-ci du côté des États-Unis, avec une formation qui a pour nom Balloon Astronomy. Oui, ben, je vous en parlerai tantôt. Là. Je pense que c'est plus un duo qu'un groupe, en fait. On y retrouve notamment le Nick de Virgilio comme invité, et un autre batteur, je pense aussi, comme invité. Mais ça sonne, enfin, un petit peu de Genesis et Bar. Je pense que c'est pas... Pas une surprise, c'est Nick de Virgilio. Dans le coin, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu d'approchant. Donc, Balloon Astronomy. Et on continue en musique, donc. Et puis, le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de CKRLMF 89.1. C'est l'émission Terrain Incognita avec Michel au choix musical et à l'animation et Bruno à la mise en onde. Visitors drifting like ghosts in the hall. The three sirens waiting, a red warning cry. The circling vultures are waving goodbye. We'll be right back. jusqu'à el fin. Este laberinto donde todos fuimos a caer.

You remember, my friend, how we used to defend the ideals of ours the childhood has lent. How we used to be sure there is black and there's white, that there is a simple cure for every possible plight. You remember, my friend, you remember. You remember denying compromises of soul. You remember first line. It was seemingly small, but it led to forgetting. Pledges were taken back, so you slowly but surely started losing the track. All the games that we played, and the heroes we prayed, all the poor defended, and the beauties we saved, all the gladness discovered, and our peals disdained, all the majesty cherished, thrown out all the same. Romantical parts. We trashed our feelings to serve common sense. Ici Simon Dumas, directeur artistique d'Horizon. Avec Premier Acte, je vous invite à Paracadar pour Rester Humain. Une collaboration Québec-Mexique alliant danse et art médiatique. Abraham, que fingir entre los demás. Avec la poésie de Carl La Charité et de Cristobal Barreto, les chorégraphies de Georgina Navarro, Ma Vidéo et l'art audio d'Éric Dorion. Une performance scénique où paroles, gestualité et images s'entrecroisent, se marient, s'alimentent l'une et l'autre. À travers la simulation des masques, il faudra vivre. Présenté au Musée de la Civilisation les 26 et 27 avril à 20h, ainsi que le 28 avril à 15h. Billets en vente sur le réseau Billettech au 643-8131. Une collaboration de la Caisse populaire de Québec, du bar Le Sacrilège et de CKRL 89.1. Premieracte.ca. Il faudra en arriver à un énorme acte de vivre. Un énorme acte de vivre. Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents, vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Oh my God, and I said I can't go any further. Tous les dimanches à 23h, la Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, découvrez des nouveaux talents de la scène locale. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. Bon, bon, bon, programmation d'été. Qu'est-ce que j'écris pour inviter les gens à soumettre des projets? Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances et découvertes musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2012. Ouais, c'est bon, ça. Là, faut que j'explique comment faire. Rendez-vous dans la section « Proposer une émission » de notre site Internet et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 9 mai. C'est simple, mais ça dit ce que ça a à dire. Ah, je devrais peut-être parler des nouveaux crus aussi. CKRL est aussi à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveaux crus les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. J'attends vos projets. Enter. C'est la balade de Dalton. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près. C'est la balade de Dalton. CKRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pourquoi La Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. En vente chez tous les bons marchands. Et de retour... Attendez un peu que je me retrouve dans mes papiers. Donc, la dernière pièce qu'on a entendue, c'était un groupe américain, Six Elements, un groupe d'Atlanta, en Géorgie. Je pense que le seul autre groupe que je connais de cette ville, originaire de cette ville, c'est Timothy Pure. Donc, on attend encore le quatrième disque depuis 8 ans. Disque mythique, semble-t-il, enregistré, mais jamais publié. De temps à autre, il y a des rumeurs comme quoi que ça s'en vient. Mais là, je parle de 8, mais je suis même pas sûr. Je pense que c'est plus 9 ou 10 ans. Enfin, il est à quelque part en studio, mais j'ai aucune idée. Là, je pense qu'il faudrait que je fasse... Parce qu'il y a encore quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine en me disant « Hey, il paraît que le nouveau Timothy Pure s'en vient. » J'ai dit « Oui, OK. » D'accord. On va vérifier le tout, mais... J'ai comme un petit doute. Enfin, tout ça pour vous dire que Six Elements, c'est un groupe d'Atlanta, en Géorgie. Et on y retrouve, entre autres, le Stanley Whitaker qui était avec Happy The Man et Oblivion Sun. Je pense qu'il est encore avec les deux groupes. Et avant ça, on écoutait, oh, ben là, ça, Monsieur Alex Carpani qui nous rend visite dimanche le 20 mai au Centre d'art de la Chapelle. C'est lui qui va donner le coup d'envoi la deuxième journée de la convention. Quelque chose qui promet ça aussi, M. Carpani, première visite au Canada. Avant ça, on avait Nexus, ça nous vient d'Argentine, de leur nouveau disque Air. Et on avait débuté avec Balloon Astronomy, une autre formation américaine. Mais en fait, je vous parlais plus, c'est comme un duo avec beaucoup d'invités, dont Nick DeVirgilio et Mike Kennelly, ancien guitariste de Frank Zappa. C'est assez, comment je pourrais dire, mélodique, c'est pas... Non. Pop, mais je veux dire, c'est mélodique. Avec, il y a des belles parties de mélotron là, plusieurs pièces. C'est une belle petite surprise, donc Balloon Astronomy. Et dernière demi-heure, on va entamer ça avec une formation norvégienne, Airbag All Rights Removed. C'est la pièce titre. Et après ça, je pense que... Attendez un peu, j'ai quasiment le goût d'en revenir avec du Galahad. On va jongler à ça. Mais pour le moment, on écoute Airbag All Rights Removed, c'est à CKRL 89.1. C'est l'émission Terrain Incognita avec Michel et Bruno. On est avec vous jusqu'à minuit. We'll be right back. you're better off dead. You should hide what you can, but don't you see, this is just an endless ride. Of your past, run till you fall. But don't you see, this is just an endless ride. you're just like them. With your cheap smile and your suit and tie, you've been lying to yourself. But don't you see, this is just an endless ride. And here they come to take away your soul and pride. Oh, Galade, vitaminé. Oui, deuxième extrait de Battle Scars. En fait, c'est un des premiers disques des sessions qui ont été réalisées là, cette année. L'année dernière, plutôt, excusez, on était en 2012. Là. Donc, il va y avoir un autre disque qui va paraître en septembre. Et puis, on retrouve sur les deux disques le Neil Pepper, le défunt bassiste du groupe, qui a contribué à toutes les sessions, même s'il était malade et en phase terminale, même, il tenait absolument. Donc, il s'installait comme il faut dans une chaise, puis en studio, puis il faisait toutes ses parties. Il tenait à tout mettre en boîte avant de nous quitter. Donc, c'est triste hein, d'un certain côté, mais bon, il a vécu jusqu'au bout ce qu'il aimait. Donc, M. Pepper qui a contribué aux deux disques, donc celui-ci et le prochain qui devrait paraître en septembre. Et ben avant, on avait Astra, ça, mon Dieu. Un joli coup de cœur de Black Chord, une formation de San Diego, leur deuxième disque. C'est vraiment excellent. Ça sent les années 70, là, Mellotron et tout. Là, c'est... oui, OK, Bruno me fait signe qu'il n'aime pas Astra. Bon, enfin, que voulez-vous? Moi, j'aime Astra, de Black Chord. Et puis, si Bruno n'aime pas ça, ben c'est... Hein? Bruno, il dit non, j'aime ça finalement. Bon, parce que j'ai fait honte en onde, c'est ça le problème. Et puis, ben, on avait avant Astra, Airbag, All Rights Remove, deuxième disque pour ces Norvégiens. Vous avez probablement remarqué là, le lien de parenté avec Pink Floyd. Et c'est le même tout le long. Il y a même une longue pièce de 17 minutes. Là. Je pense que M. Gilmour aurait pu jouer dessus, ça aurait fait... on aurait eu même le même résultat. Vraiment, bon, c'est pas original, mais c'est très agréable à écouter. Ça, on peut pas le nier. Et puis, c'est drôle, parce que depuis quelques années, on a comme une recrudescence de groupes là, qui s'inspirent fortement. Là, je pense que la formation italienne Raven Sad, Airbag, évidemment... Et puis, mon Dieu, Stone... J'essaie de retrouver le nom de cette formation britannique, le Stone... Enfin, ça va peut-être me revenir. Mais, bon, ils ont un point en commun, tous ces groupes, c'est que ça sonne Pink Floyd, mais pas à peu près. Attendez un peu, là, je pense que... Marc, tu veux venir faire un micro? Tu veux pas venir jaser, Marc? C'est parce que Marc vient d'arriver, puis non, il veut pas. Bah... Donc, c'est ça, ben, il nous reste que quelques minutes.